Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans. Bonjour tout le monde, bienvenue à une 12e émission de Zone Mag. Ça va bien, Karine? Oui, et toi, Steve? Belle journée ensoleillée. Fin de semaine de fête des pères assez chargée. On va y aller tout de suite avec un des albums qui sortait mardi, c'est 303 qui sort l'album Omens. 303, c'est un duo américain d'électropop originaire de Boulder au Colorado qui sont rendus à leur 4e album, donc ça va bien pour eux. De leur côté. C'est de l'électropop, c'est... je sais pas exactement comment vous décrire ça, à part que c'est de l'électropop, là, mais tu sais, ça reste... c'est spécial comme musique, c'était pas quelque chose que j'étais habitué d'entendre. Mais c'était quand même assez intéressant comme musique. C'est un album qui était assez intéressant à écouter. C'est des amateurs d'électropop vont sûrement apprécier le genre. Est-ce qu'on peut comparer ça à un autre groupe qu'on connaît? Ben écoute, moi personnellement, je pourrais dire que non. Mais je les connais pas toutes, donc il y a possiblement, oui, d'autres qui font... mais j'ai pas trouvé que ça ressemblait à un en particulier, ou okay. Tu sais, mettons, on comparait peut-être avec Daft Punk, qui peuvent peut-être faire un peu d'électropop, okay. mais non, tu sais, j'ai trouvé que c'était vraiment comme quelque chose à part. C'était singulier. Ils ont leur style, ils ont leur leur propre musique, puis tu sais, ça marche, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que t'accroches, puis c'est intéressant à écouter, puis ça vaut la peine, moi. Donc, ceux qui aiment, ben, de toute façon, un 4e album, il y en a probablement beaucoup qui connaissent déjà 303. C'est un groupe qui commence à être assez connu, même au Canada. Ceux qui sont, ou qui vous êtes intéressés peut-être par le genre, vous faire écouter quelques extraits, peut-être qu'ils vont vous faire découvrir. Sinon, les autres, c'est un album à acheter. Le guitariste américain Bill Frisell revient avec l'album Big Sure, un 36e album en carrière quand même. Bill est considéré comme l'un des guitaristes jazz le plus célèbre et admiré des dernières années, avec à la même hauteur, mettons, que John Scofield et Pat Metheny. La principale particularité du guitariste est l'extrémisme des styles qu'il utilise. Il peut, il jongle beaucoup et puis il gênera pas d'aller mettre du folk avec l'expérimental qu'ils disent. Mm-hmm. Il faut prendre aussi en considération que Bill Frisell produit des albums instrumentaux, donc aucune parole. C'est ce qui est souvent le cas aussi dans le jazz. Ouais. Ouais. Exactement, et ce qui, pour ma part, a été très intéressant à découvrir, parce que ça m'avait jamais adonné d'écouter un album de A à Z, de juste instrumental. Puis honnêtement, j'ai bien apprécié, au début, t'es comme pas sûr, mais au fur et à mesure que l'album avance, tu sais, tu commences à te promener aussi dans les styles, puis tu commences à apprécier grandement ce qu'il fait, dans le fond, là. Nous allons vous faire écouter des extraits. Voici Bill Frisell et son album Big Sure. Il y avait aussi Blackmore's Night qui sortait l'album Dancer in the Moon, qui se trouve à être leur 11e album. Ça fait quand même un petit bout. Si je me souviens bien, c'est 97 que le groupe a été créé. Ils font de la musique, ils se disent musique d'inspiration médiévale. Oui, ça a peut-être un petit côté médiéval. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu plus norvégien, mettons, tu sais, ou gitan. Okay. Tu sais, ça reste relativement médiéval, mais tu sais, ouais. J'avais pas vraiment associé à ce style-là. Le groupe est créé de Richie Blackmore, qui est un ex-Deep Purple et un ex-Rainbow, pour ceux qui connaissent, ça fait quand même quelques années, et par la chanteuse qui est Candice Knight. Que si je me trompe pas, est sa conjointe. Oui, effectivement, c'est sa conjointe. C'est un album que j'ai été surpris d'écouter, puis d'apprécier, parce que Justement, c'est quelque chose à... Ben, j'aime un peu le style là, norvégien puis folklorique de cette culture-là. J'ai d'autres artistes que j'écoute aussi. Puis ça m'a fait beaucoup penser à une en particulier que j'ai apprécié beaucoup. Donc, c'est un album pour ceux qui aiment vraiment côté médiéval, côté folklorique norvégien. À conseiller. C'est, sans les yeux fermés, là, si vous aimez ce genre de musique-là, là, ça vaut vraiment la peine. Puis on sent, avant même que je vois qui faisait partie du groupe, la musique avait une sonorité qui me disait quelque chose. Puis quand j'ai vu que c'était l'ancien guitariste de Deep Purple, je disais, ah, c'est là que j'avais entendu les mêmes styles, les mêmes riffs de guitare, les mêmes... si vous aimez Deep Purple aussi, les guitares qu'il y avait dans Deep Purple ou dans Rainbow, vous allez vous retrouver aussi un petit peu dans ça, parce que ça reste qu'ils ont quand même changé un peu le style. C'est un peu plus médiéval, un peu plus folklorique. Mais... À la base... La sonorité, elle a pareil. C'est un excellent album, moi je vous le conseille. Donc on écoute quelques extraits. Broken windows and empty hallways. A painted moon in the sky streaked with gray. Le groupe rock québécois Noir Silence nous reviennent avec la formation d'origine pour un nouvel album, Plus de mal que de peur. Après 5 ans d'absence depuis leur dernier long jeu, le groupe revient plus fort et plus confiant que jamais. Et malgré les disputes du passé, les membres du groupe ayant vieilli et considérant ce qu'ils voulaient et ce qu'ils voulaient pas en général de par rapport au groupe et relié aussi avec leur style musical, repartent de la base avec cet album. Le premier single de l'album était tellement belle, avec tout de même 6 CD en carrière et se promettent que celui-ci n'est pas le dernier. La formation rock a gardé la même sonorité que les albums précédents. Donc pour les admirateurs de musique québécoise et de rock, vous allez être servi avec cet album que j'ai quand même bien apprécié parce que c'était quand même longtemps, on n'avait pas eu... Ça faisait presque 5 ans, ouais. Exactement, tu sais, fait que voici quelques extraits de Noir Silence, Plus de mal que de peur. T'es tellement belle, tu me donnes des ailes, tu m'étincelles. Je te ferai la cour, je te ferai l'amour, je t'aimerai toujours. La première fois que je t'ai regardé, j'avais en tête une seule idée, c'était de pouvoir t'embrasser. Salut Johnny, es-tu vraiment toi? Ah ben maudit, t'as pas vieilli. Mes chums me croiront jamais que je t'ai croisé ici pour vrai. Je te parle comme si je pleure. S'il y en a qui rient, certains autres pleurent. Tristes comme ceux qui cherchent l'amour devant l'ordinateur. S'il y a des pressés, il y a des oppresseurs, et il y a ceux qui boivent tous les mots de Dieu. Mords-moi si tu veux, si ça te fait du bien, mords-moi si tu peux. Mords-moi si tu veux, dis-moi quelle t'appelle. Mords-moi si tu veux, dis-moi qu'elle est fidèle. Mords-moi si tu peux, dis que c'est à tous les jours. Raconte-moi l'amour. Mords-moi si tu veux, dis-moi combien t'es fort. Mords-moi si tu veux. Je rêve au jour où nos histoires d'amour n'auront plus d'anneau d'acier pour nous s'attacher pour toujours. Je rêve au jour où nos pères et nos frères ne croiront plus à un avenir dans les forces militaires. Je rêve, mais je ne suis pas le seul. On est combien qui... Il y avait aussi... J'espère que je le prononce comme il faut, là. C'est Sigur Rós avec l'album Kvikur, qui est un groupe de musique islandais qui a été créé en 94. Eux disent que c'est de la musique classique, mais aussi un peu de rock progressif. Ce que, personnellement, j'ai pas trouvé... T'as pas accroché? Non, c'est de la musique expérimentale pour moi, là. Si je la classifierais dans cette catégorie-là. Puis, c'est pas quelque chose qui m'a accroché. Écoute, c'est même pas de la musique d'ascenseur, là. Personnellement, là, peut-être qu'il y en a qui vont aimer ça. Hein, parce que c'est quand même rendu au 7e album. Donc, j'imagine que. Il y en a qui aiment ça. Ils ont dû vendre des albums pour en faire d'autres, là. Donc, moi, personnellement, j'ai pas accroché là-dessus. C'est comme je vous dis, c'est vraiment pas mon genre de musique. Hein. Je vais vous faire jouer quelques extraits. À vous de décider. Ouais, c'est ça. Thank you. Dans les autres sorties musicales, on avait dans le côté franco, on a Robert Charlebois qui sortait les années vinyles version 1 et 2. Que, en passant, c'est sa, il a son 50e anniversaire en carrière. Quand même, hein? On a Fifi aussi qui sort Charme des premiers jours. Dans le côté électronique, on a Ostra avec l'album Olympia. On a aussi dans le côté musique du monde, Collectivo qui sort Jaune électrique. Collectivo qui est un groupe québécois qui roule sa bosse depuis quand même aussi un bon bout de temps. On a aussi dans le côté varié Daniel Desnoyers qui sort un nouveau Summer Session qui est de 2013. Dans le côté métal, on a Primal Scream qui sort More Light. On a aussi dans le côté hip-hop avec Kanye West qui sort Jesus. Dans les artistes variés, on a aussi la trame sonore de Despicable Me 2. Donc, on suppose que le film doit être à veille de sortir. Je crois que c'est au cours de la semaine. Avec le succès que le premier a eu, on attend celui-là avec impatience. Oui, exactement. On a aussi Now Dance avec la version 4. Dans le côté alternatif, on a Sublime qui sort Three Ring Circus, un album live de 95. La comédie Vol d'identité a été réalisée par Seth Gordon, que l'on connaît grâce au film Comment tuer son boss et Tout sauf en famille. Les acteurs principaux de ce film sont Jason Bateman et Melissa McCarthy. L'histoire débute à Denver, au Colorado, où Sandy Pattison y réside avec sa femme et ses deux fillettes. Le père de famille exerce dans la gestion. Après avoir travaillé longtemps pour une compagnie dans laquelle il n'avait plus d'avancement au niveau carrière, lui et d'autres collègues se rallient et partent eux-mêmes leur propre entreprise. C'est au même moment qu'il se rend compte que quelqu'un lui a volé son identité et a fait de nombreuses dépenses à ses dépens. En apprenant la nouvelle, son patron le menace de le congédier et ainsi perdre toute sa crédibilité envers tous. Il décide donc de partir à la recherche de cette personne et pour ainsi la ramener à Denver et être blanchi des actes dont il a été accusé. Mmh. Il a le premier indice pour aller chercher le suspect, c'est lorsqu'on l'a averti que sa carte de crédit était non valide. La limite est au bout. Là. Ouais. et le numéro venait de l'État de la Floride. Aussitôt, il part, il lui arrive embûche par-dessus embûche. Et je vais m'arrêter là parce que je vais pas vous conter le punch du film. Mais pour ma part, j'ai bien apprécié ce film. Puis écoute, devrais voir les péripéties qui leur arrivent là-dedans. Là. Honnêtement, là, si on veut décrocher un peu de notre semaine de fou, là, c'est un film que je vous conseille fortement. Dans les autres nouveautés DVD... du côté des comédies, on retrouve Majeur et Vacciné, ainsi que Movie 43. Côté suspense, il y avait Code Ennemi. Côté fantastique, on avait Jack, chasseur de géants. Du côté des jeux, pour la PS3, il y avait Last of Us, qui est très attendu par la communauté. Et aussi sur PS3, on avait Ghost Recon Anthology. Donc, c'est déjà tout pour cette semaine. Nous, on vous dit bonne écoute et à la semaine prochaine. Bye bye, bonne soirée. Bye. Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans.